violent, violent, violent, violent, violent, violent, violent, violent, violent, traîne dans le violon violent. Toutes sortes de prod de ce violon à la crinière, tout est pourrifié à cause de l'air de ce violon violent. J'écris des textes par milliers, chacune de mes rimes est éparpillée. Comment voulez-vous que je la retrouve dans cet océan? Personne n'a plié, personne n'a plié cet instrumental de manière à rivaliser avec cet art qui l'origami. Punchline irrigal, oui, je découpe là le titre avant de retourner à mon atelier de kirigami. Identique au sida, ma musique est une maladie textuellement transmissible. En notre langue, milite contre le diable qui ne tape que dans la planche qui tire de le monde vers le bas. Autrement dit, au plus profond des abysses, le savoir est une âme et c'est pour ça qu'un slam vous désarme vite. Ajoutez à cela l'harmonie qui submerge entre violent, violent et violent, violent. L'écrivain à l'appel de cette terre au somnolent. Déçu personne ne s'élance dans la gueule de cet animal. Pourtant c'est bien ce que les humains faisaient sur la place centrale de Stalingrad. La t'imagine qu'un slam brise le chrome vous rendant vos morts. Vous l'auriez compris, je suis violent qui prie en pleurant vos morts. Violent, violent, violent, violent, violent, violent.